Chapitre 19e. Pendant ce temps, Pranzati essayait vainement de trouver une position qui le soulage de ses douleurs arthrosiques. Le bas flanc de la cellule était dur à ses pauvres fesses. Il finit par s'adosser à la paroi, repliant ses genoux et laissant aller sa tête dans l'angle des murs. De plus, la lumière le gênait. Habitué à la psychologie des flics et des geôliers, il savait que leurs principales armes étaient l'esprit de contradiction et la ferme volonté de mettre le plus possible le détenu mal à l'aise. « N'éteignez pas la lumière, les mecs, j'ai peur dans le noir. » Comme il s'y attendait, il fut aussitôt plongé dans l'obscurité et put ainsi se laisser aller à réfléchir. Il s'était mis dans un beau merdier. Dès le début de cette histoire, il aurait dû s'esbigner et aller prendre l'air dans le nord de la France, en attendant que ça se tasse. Il remonta le cours de sa mémoire jusqu'à l'origine du problème. À Gênes, une quinzaine d'années auparavant, il avait été incarcéré pour vol. Il avait fréquenté là un type complètement dingue, un teigneux, vicieux, méchant, une preuve vivante de l'existence du diable. Ce type, du nom de Pellicini, avait été transféré de la prison d'Avellino. La peine de ce jobard avait été doublée pour tentative d'évasion et agression sur un autre détenu dont il avait fait sauter un œil à coups de cuillère. Tous les détenus le fuyaient comme s'il avait la peste. Un jour, pendant la promenade, la conversation s'engagea avec un nouveau venu, Jacono, qui venait de plonger pour trafic et usage de faux papiers. En veine de confidence, Pellicini, dont il valait mieux ne pas refuser la conversation, leur avait raconté sa fuite ratée en mentionnant les noms des trois comparses en cabale qui lui avaient piqué ses économies. Il n'y a pas de hasard. Le hasard, ce n'est qu'une invention de l'homme. Jacono, le nouveau, lui révéla tout fier que c'était lui-même qui avait établi des faux papiers aux trois fuyards. Il avait fait du beau boulot, comme seul un spécialiste sait le faire. Son oncle avait tout appris au sortir de la guerre. Il se souvenait parfaitement des noms qu'il leur avait donnés. Bossemato s'appelait Aldo Anziluti, Rapuano se nommait Biagio Caneparo, et Caporazzo était Enzo Gennarino. Pellicini obtint un bout de papier et un crayon pour relever soigneusement ses trois identités. Depuis cet instant, à chaque promenade, il faisait parler le faussaire pour obtenir plus d'informations sur ses anciens codétenus. D'après les dernières infos obtenues lors des visites au parloir, les fuyards étaient passés en France pour refaire leur vie, certainement dans le sud. Mais le code du milieu interdisait à Jacono d'en dire davantage. Pranzati était bien sûr témoin de toutes ces conversations. Pellicini le questionnait adroitement sur ses antécédents et sa famille. Lorsque Pranzati fut libéral, Pellicini le prit à part et lui donna une feuille de route en forme d'ultimatum. « Je dois être libéré, au plus tard, 8 ans après toi. Alors écoute-moi bien. Quand tu sortiras, tu iras en France. Là, tu te renseigneras sur ces trois mecs. Démerde-toi comme tu veux, il faut que tu les loges. Tous les mois, tu m'écriras pour me donner une adresse où te joindre. Quand je sortirai, je te préviendrai. Si tu ne m'as pas répondu dans les 3 jours, j'irai couper le cou à ta mère, à ta sœur, au chien, à tout ce qui vit et qui te connaît. Mets-toi bien ça dans le crâne, Stronzo. Tu m'écriras où je peux trouver ces 3 fumiers et après, je te foutrai la paix. » Après un silence destiné à attendre que Pranzati intègre ce plan, Pellicini reprit la parole presque en riant. « Ah, au fait, tu te souviens de ton copain qui a brûlé sur la vedette ?»« Eh ben, son frère est passé par ici, il y a un mois. Tombé pour proxénétisme, il m'a parlé de toi. Eh oui. Il faut bien qu'on parle ici pour ne pas devenir fou. Ce mec a été transféré à Milan, mais sa femme m'écrit quelquefois. Il y en a beaucoup qui pensent à toi, tu sais. Certains souvenirs, on n'arrive pas à les oublier. » Avec le recul, Pranzati se demandait comment il avait pu gober toutes ces conneries. Et même si ça n'en était pas, comment avait-il pu se laisser enliser dans cette boue nauséabonde alors qu'il suffisait simplement de fuir après avoir mis les siens à l'abri? Au pire, pourquoi l'idée de zigouiller Pellicini à sa sortie de prison ne lui était-elle pas venue à l'esprit? C'est fou comme la prison peut arriver à vous faire réfléchir complètement à côté de vos pompes et vous marquer pour la vie. En parallèle, les images étant si proches de sens, il revoyait ce plan du livre de la jungle de Walt Disney dans lequel le serpent hypnotise Mowgli. Prends confiance. Pellicini l'avait complètement envoûté, tant son personnage incarnait aussi parfaitement le diable. Encore une fois, il n'y a pas de hasard. Le hasard, ce n'est qu'une invention de l'homme. Un matin, à Toulon, Pranzati était tombé sur un panneau annonçant la construction d'une passerelle métallique, Anziluti Caneparo Metalco. En bas du panneau figuraient les coordonnées de l'entreprise. Ponzatti était quelquefois capable d'éclairs d'intelligence. Il avait fait le rapprochement avec deux des noms donnés par Pellicini et s'était habilement renseigné sur le chantier, directement auprès des ouvriers. Les deux patrons de l'entreprise étaient bien des Italiens, dont l'âge correspondait aux clients de Pellicini. À partir de là, le reste fut du gâteau. Nul besoin d'Internet. Il chercha tout bêtement leurs adresses dans l'annuaire des télécoms et fit un repérage à ses heures perdues. Il imprima leur trombine dans son cerveau et alla même jusqu'à engager un jour la conversation avec Caneparo, dont le bateau était ancré dans le port de Toulon à cette époque. Ponzatti lui proposa de veiller sur son bateau et de le préparer quand Caneparo voulait sortir. Tout marcha comme sur des roulettes, jusqu'à ce que Caneparo lui proposa la place de gardien de sa villa à Aix. Là, il fit plus ample connaissance avec Anziluti, Possemato, et il put établir un topo assez complet de leurs modes et habitudes de vie. Quand il reçut la lettre de Pellicini, il lui répondit que tout était OK. En réponse, le fou lui demandait encore de se renseigner sur une certaine Marta Pitavine, née Pastore, qui habitait tout près d'Aix, justement. C'était l'unique famille d'un codétenu à qui il avait promis de la visiter. Elle pourrait éventuellement l'héberger, pendant qu'il ferait ses petites affaires. Ce fut la recherche de cette Martha qui lui donnait le plus de fil à retordre. Il dut monter tout un bobard à la police pour obtenir son adresse. Tout cela avait été bien huilé, bien préparé, très professionnel. Mais l'angoisse s'étreignait maintenant pour Ponzatti. Les flics avaient raison. Avant de disparaître, Pellicini n'aurait aucun scrupule à supprimer le témoin encombrant qu'il était devenu. Le mieux pour lui était de rester à l'ombre, en attendant que la police finît par arrêter le monstre.